Et c'est ma mère qui m'a inculqué cette poésie de la tour de Constance de résister. Peut-être vous l'avez déjà eue. On me l'a déjà dit, je crois. Oui. Dites, vous la connaissez en entier? Eh bien, oui, je veux dire, attendez. Non, ce n'est pas ta lourde grille, ni ton mur noir, sombre tour, funèbre bastille que j'aime à voir, mais ces traits qui par une femme furent sculptés, ce mot qui recouvre un long drame résister. Ce mot, une main inhabile le cisela, une aiguille extrêmement débile a fait cela, mais quel combat d'une âme fière est représenté par cette trace sur la pierre résister. Maintenant, là, oui, enfin, résister, c'est ça. Et vous savez, tellement ma mère en avait parlé, enfin, j'ai eu le plaisir d'aller à Tour de Constance voir ce fameux résister, où c'est pas bien écrit que c'est résister que cette dame y a passé 23 ans, je crois. Oui. On parlait beaucoup des camisards quand vous étiez jeune, de les... Votre mère ou votre père en parlait de l'époque des camisards, de...